Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui raconte la radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure à travers le parcours des personnes qui la font vivre. Et pour cette nouvelle saison, eh ben, on continue notre petite série sur les podcasts qu'on avait laissé en cours de route dans le monde d'avant, hein, souvenez-vous, hein, oui je sais c'est loin. Et cette fois-ci, nous allons nous plonger dans l'univers d'une trentenaire qu'on n'arrête plus, une dizaine de fictions en podcast, ou chaîne, comme elle l'appelle, dans lesquelles elle se raconte et raconte beaucoup de choses, toujours avec dynamisme et folie, ça s'appelle la toile sur écoute, et quand on y entre, c'est un peu comme si on entrait chez elle, et mon invité le dit, comme la vie est une fête, vous pouvez l'appeler Pépette. Mon invité se nomme Pénélope Boeuf, oui, on l'appellera par son vrai nom. Bonjour. Bonjour à vous Pénélope, bienvenue dans la mécanique des ondes. Merci beaucoup. Alors, je disais, hein, vous racontez beaucoup de choses, et là dans cette émission, bah, c'est vous que vous allez raconter votre parcours, votre créativité aussi, parce que vous créez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup créer. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte un peu tard, même si en fait, je le savais depuis que j'étais assez jeune, parce qu'à 8 ans, on me demandait ce que je voulais faire, comme on demande à tous les enfants. Et je disais que je voulais être raconteuse d'histoires et donneuse d'idées. Et on m'avait dit, mais Pénélope, c'est pas un métier. Donc j'avais un peu laissé ça de côté et puis j'ai continué ma vie sans trop savoir ce que je voulais faire parce que j'avais pas vraiment de réelle passion. Et donc à 18 ans, j'ai fait du droit, une école de commerce et là c'est parti pour j'ai enchaîné les jobs, c'est-à-dire que j'ai fait un stage dans le cinéma. Ça a duré 6 mois. Ensuite, j'ai eu un premier boulot au Publicis Drugstore. Je m'occupais de la communication. Ensuite, je sais pas ce que je voulais faire et donc là j'ai passé un casting pour être animatrice sur la matinale de Oui FM. Alors, on va en parler plus en détail d'ici quelques minutes, mais juste avant, moi j'ai envie de commencer avec le commencement, j'ai envie de commencer avec la petite Pénélope. Ah, justement. La petite Pénélope, la radio, est-ce qu'elle avait un lien particulier avec, enfin la radio, je dis la radio, l'audio, plus globalement. La petite Pénélope, elle a quel âge? Allez, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, alors la radio, non. Aucune espèce d'idée de ce qu'était la radio. J'étais pas plus intéressée que ça par la radio. Il faut savoir quand même que j'ai commencé à parler tout court à l'âge de 3 ans, donc assez tard. Sans doute parce que je suis née en Angleterre et puis ça parlait français à la maison, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai commencé à parler un peu tard et j'ai sans doute à partir de 3 ans voulu me rattraper. Et donc j'ai beaucoup parlé. C'est le seul lien que je vois aujourd'hui avec la voix, mais la radio à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Vraiment, c'était pas quelque chose qui c'était pas dans mes affinités. Alors du coup, donc pas attiré par le micro. Les études n'ont pas été influencées par cet univers? Pas du tout, puisque donc j'ai fait du droit et une école de commerce, parce que ça ouvrait des portes et que je voulais, je sais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas, je voulais avoir des portes ouvertes et je voulais ne pas, surtout, m'empêcher de faire ce que je voudrais faire si jamais je voulais faire un jour quelque chose. Alors, du coup, on vous dit que vous racontez beaucoup de choses, ouais, déjà à cette époque. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à vous jeter à l'eau du micro, pour ainsi dire? Allô du micro avec UFM. UFM. Oui. Bah en fait honnêtement c'est les autres, c'est-à-dire que quand j'ai parlé de ce casting à mes copains, ils m'ont dit mais Pénélope tu devrais tester, t'as une voix, tu racontes toujours plein d'histoires, tu fais marrer les gens, va tester. Et en l'occurrence bon c'était pas du tout un poste d'humoriste ou quoi que ce soit, hein, c'était de la co-animation sur la matinale, mais je me suis dit pourquoi pas et je l'ai fait vraiment parce que je ne savais pas quoi faire et parce que je trouvais ça rigolo. Mais c'était pas pour faire de la radio, c'était vraiment un peu par défaut. Et j'y suis, et puis aussi parce que j'aime bien les concours, j'aime bien la compétition, etc. Donc j'y suis allée et contre toute attente, j'ai passé les 4 étapes. On rappelle, hein, pour remettre le contexte, c'était dans le cadre d'un concours organisé par la radio à l'époque. Voilà, c'était OuiFM qui venait d'être acheté par Arthur, des enfants de la télé. Et donc, pour faire un peu de bruit, il a lancé un casting et on était 2000 à l'entrée. Et j'ai remporté la finale et l'autre finaliste est devenu chroniqueur sur la matinale de OuiFM. Donc, j'ai été co-animatrice avec un animateur qui avait 15 ans de radio, qui était Johan Rock. Et pendant un an, j'ai fait cette saison. Et alors, le jour de votre toute première face au micro, comment vous vous êtes sentie? La toute première, c'était la pire. Je m'en souviens encore comme c'était hier. C'est-à-dire que j'arrive donc à à 5h30 du matin, ça commençait à 6h, j'arrive à 5h30 du matin, je demande qu'est-ce que je dois préparer, j'avais jamais parlé dans un micro, et on me dit t'inquiète pas, ça va se faire tout seul, soit naturel, ok, et à ce moment-là, boum, il ouvre l'antenne, bonjour à tous, vous êtes bien sur WFM, je vous présente Pénélope, tiens Pénélope, qu'est-ce qui t'a dit ton mec ce matin quand t'es partie à 5h du mat? Et alors là, tout d'un coup, je ne sais pas si je dois dire la vérité, est-ce que ça regarde les gens de savoir si j'ai un mec ou pas, et... Je ne savais pas ce que c'était la radio. Je ne savais pas qu'on pouvait se construire une histoire. Et surtout, je n'étais pas du tout préparée à ça. Parce que normalement, dans beaucoup d'émissions, tout est écrit. C'est-à-dire qu'on me prévient, on va me dire, je vais te poser ça comme question, prépare-toi un peu une phrase un peu catchy, etc. Et donc là, j'ai répondu, il m'a dit bonne journée. Comme ça, et voilà, c'était l'horreur. Vous avez été lâché comme ça, boum, en pleine nature. Complètement, en pleine nature, et c'est vrai que j'étais un peu déstabilisée au départ, et j'ai essayé de faire un peu mon trou au fur et à mesure, mais ça restait quand même assez difficile. Mais ça a été un déclic quand même pour la suite, après, pour... je me suis rendu compte. Oui, alors c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'adorais parler, que j'étais assez à l'aise au micro, que mine de rien, en effet, il y avait pas beaucoup de place à l'improvisation et que tout était très écrit. Et moi, j'adorais écrire. Et parce que c'était écrit et parce que c'était carré et parce que c'était structuré, alors dans ce cas-là, on pouvait de temps en temps laisser de la place justement à l'improvisation. Donc ça me plaisait que ce soit écrit pour pouvoir être improvisé plutôt que l'inverse. La spontanéité et l'improvisation, c'est ce qui fait, enfin, point de vue personnel, le charme de la radio et du direct. Exactement. Exactement. Donc, WFM, une saison. Une saison. Un peu moins, hein. J'ai claqué la porte 2 mois avant la fin parce que c'était trop dur, ça se passait pas très bien dans l'équipe. Et puis, j'étais payée vraiment pas très cher, j'étais payée 700€ par mois. Donc, c'est pas énorme pour faire 6, 9h30 et après, 9h30 à 20h, travailler l'émission du lendemain. Ça ne vous a pas trop dégoûté de l'univers des métiers de la radio? Non, vous n'avez pas essayé de chercher ailleurs. J'en ai pas fait une généralité. Ça m'a pas dégoûté. Je me suis juste dit bon, je crois que je suis pas faite pour ça. J'ai un peu baissé les bras après ça en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer. J'ai essayé de rentrer chez RTL, etc. Mais ça marchait pas. Et puis je voulais pas être sous-payée. Donc j'ai repris en fait la voie classique. Hein. J'avais quand même fait une école de commerce. Et donc après j'ai travaillé chez M6, chez Groupon. Et après j'ai enchaîné les jobs. Il y avait Eat Your Box aussi en 2012. Tout à fait. Après Groupon, j'ai monté une boîte avec une copine qui s'appelait Eat Your Box que j'ai revendue à ReWorld Media. Et ensuite j'ai travaillé chez Énergie, à la direction des événementiels. Et après je me suis occupée des événements du Guide Michelin. Donc voilà, j'ai fait des jobs un peu classiques, quoi. Enfin, marketing, communication, événementiel. Et tout d'un coup, le micro commence à revenir tout doucement. Là, il vous appelle, au loin, derrière. Ouais, mais toujours pas, en fait. C'est pas le micro qui m'appelle, c'est-à-dire que c'est... Faut remettre le contexte. Hein. J'essaie de lancer un petit peu, mais oui, il faut remettre un peu le contexte en place. C'est qu'en fait, donc j'ai enchaîné 10 boulots différents. À chaque fois, je restais 1 an et demi, 2 ans dans ces jobs. Et je chantais que fondamentalement, j'étais pas heureuse et que j'étais un peu... je sais pas, ma créativité ne sortait pas, j'avais besoin qu'elle sorte parce que je savais que j'étais très créative mais j'arrivais pas à l'exprimer. Et puis à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, j'étais à la direction événementielle du Guide Michelin et je me suis dit ça suffit, c'est grosse boîte, c'est pas toi, et tu vas avoir 35 ans, Pénélope, il s'agirait de penser à toi et de faire quelque chose qui t'animait. Donc j'ai déjeuné avec un de mes copains qui m'a dit, Pénélope, t'as une voix, t'es business... grâce à ton parcours, tu sais raconter des histoires depuis toujours et t'adores ça. Pourquoi est-ce que tu lances pas un studio de podcast? Parce qu'il y a un engouement des podcasts en ce moment. On est en 2018, en octobre 2018. Je ne savais pas trop ce qu'était un podcast. J'avais jamais écouté de podcast. Pour moi, le podcast, c'était le replay des radios. Et donc, j'ai dit, parce qu'il y avait un projet, une perspective et que ça me plaisait, je repartais en effet à mes premières amours de quand j'avais 20 et quelques années chez WFM. Et donc, j'ai lancé un peu la tête de la première, mon studio La Toile sur Écoute. Alors, on va en parler plus amplement, mais juste avant, on va faire une première pause musicale, décidément, avec le premier choix de Pénélope, qui est, je retrouve mes fiches, Bill Withers, Ain't No Sunshine. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve que cette chanson va dans toutes les situations. Ça veut dire qu'elle est transcendante dans le sens où elle peut faire pleurer, pleurer d'amour, pleurer de bonheur, pleurer de tristesse. Elle me transcende, je la trouve extraordinaire. Il faut l'écouter les yeux fermés, la tête en arrière, on est bien. Eh bien, fermons les yeux et allons-y. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Un petit peu de douceur, choisi par Penelope Buff sur Fréquence Protestante, et dans La Mécanique des Ondes, Bill Withers, Ain't No Sunshine. On peut rouvrir les yeux maintenant. Bill Withers qui nous a quitté en mars dernier et qui, alors pour anecdote, parce que j'ai fait mes recherches, figure dans sa playlist Spotify à Penelope, nommée Penelope Buff et Ringarde. Ah bon, elle est dans celle-là? Oui, oui, ah non, j'ai fait acheter. Pourtant, c'est vraiment pas Ringarde et Bill Withers. Enfin, bah, en même temps, dans la playlist, j'ai vu aussi Alléluia de Leonard Cohen ou Ode to My Family des Cranberries. Alors là, est-ce qu'on peut dire qu'on est Ringarde avec ça? Bah non, bah, au contraire, on est complètement dans l'air du temps. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir sa playlist. Penelope Buff a aussi tout un univers musical bien à elle. Elle pourrait faire sa propre radio, hein, on dira. En tout cas, en attendant, elle fait La Toile sur Écoute, un studio de narration. Je cherchais le mot. Exactement, studio de narration audio. Je l'ai appelé comme ça pour me différencier un peu de studio de podcast, parce que je fais pas que des podcasts. Enfin, en fait, si, mais disons que moi, mon axe de différenciation, c'est vraiment de raconter des histoires pour les marques. Donc, par exemple, si on me demande de faire des interviews, c'est pas tellement mon truc. Je vais plutôt orienter la marque sur du storytelling. Et c'est pour ça que je l'ai appelé narration audio. Alors, vous dites justement pas d'interview, de la narration, de la fiction. C'est vraiment le terrain sur lequel vous aventurez exclusivement. La Toile sur Écoute n'a pas pour ambition d'essayer de se lancer dans de nouveaux formats. Never say never, hein, on sait jamais, mais si on me demande une interview, en soi, il faut vraiment que c'est un réel sens et que ça apporte quelque chose et que ça apporte de la valeur à la marque. Moi, je sais que ma force, elle est dans la créativité, dans l'imagination, donc c'est pour ça que je mets tous mes œufs dans ce même panier, mais on n'est pas à l'abri que je développe en effet d'autres formats. Je voudrais pas dire non tout de suite. Alors du coup, donc le commencement de La Toile sur Écoute, comment ça s'est mis en place, quelles étaient les premières idées, comment on accouche d'un tel studio de narration? Pour le coup, l'accouchement était très rapide, hein, et pas très douloureux. Je l'ai lancé en octobre 2018, donc mon pote m'a dit « lance ton truc ». J'ai dit « t'as raison, j'y vais, hop, j'appelle mon ancien avocat pour lequel j'avais bossé pour ma boîte, mon comptable, hop, en 5 jours j'avais les statuts, j'ouvre un compte en banque, je trouve un nom, je fais un site internet avec une agence web, et ça y est, mon studio de narration audio à Toile sur Écoute était créé, et maintenant ?» Là, c'était là où ça se compliquait un petit peu plus. Mon objectif, c'était d'aller accompagner les marques et leur proposer de leur faire leur propre podcast. Mais j'avais pas vraiment écouté beaucoup de podcasts. J'avais pas vraiment étudié le marché du podcast. Je fais toujours un peu les choses dans le mauvais ordre. Et donc, j'ai écouté des podcasts, j'ai pondu des briefs, que j'ai fait des push recos auprès des marques et je me suis rendu compte que, il y a 2 ans, les marques n'étaient pas encore tellement prêtes à faire du podcast, en tout cas du podcast créatif comme moi je l'entendais. Et également, je sentais qu'il fallait que je fasse mes propres podcasts pour pouvoir leur proposer quelque chose et savoir ce qui fonctionnait comme type de format, court, long, etc. avec le sound design. Et donc j'ai mis de côté les marques et j'ai lancé mes propres podcasts. Donc j'ai lancé mon premier podcast qui s'appelait L'Arnaque. Enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs, il est encore live. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Enfin, il y a 8 saisons aujourd'hui, 112 épisodes. Et donc c'est des courtes histoire de 5 minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. C'est mes histoires de vie, tout est vrai, c'est de l'autofiction. Et donc, voilà, j'ai commencé deux par semaine, j'en ai fait deux par semaine. Aujourd'hui, il y a 8 saisons, là je fais une petite pause parce que j'ai plus grand-chose à raconter, mais j'ai bien retrouvé des trucs à dire. Et ça met combien de temps l'écriture pour l'arnaque ? L'arnaque, bah oh, maintenant que j'en ai fait 112, ça va vite et je mets environ 45 minutes pour écrire un texte. J'enregistre, je mets 10 minutes à l'enregistrer parce que ça dure 3-4 minutes. Hop, je monte, tac tac, j'ai mon intro, mon outro, ça va très rapidement. En gros, en 1h15, c'est bouclé. Et alors, est-ce que vous avez eu des premiers retours justement dès le départ ou... Ouais, alors c'est compliqué. Au début, moi j'avais mes quelques MP3 avant de les mettre sur les plateformes de podcast que j'ai envoyé à mes amis qui me connaissent par cœur, ils connaissent déjà toutes ces histoires racontées de vive voix, limite en live, et donc ils me disent oui, bon, elles sont super tes histoires, mais qui est-ce que ça va intéresser finalement, parce que t'es inconnu au bataillon, tes histoires n'ont rien d'extraordinaire, est-ce que t'es sûr de ton coup? Et non, évidemment que j'étais pas sûr de mon coup, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je m'autorisais à m'ouvrir l'esprit, la créativité et à me sentir libre. Et donc je me suis dit, peu importe, s'il y a personne qui écoute, au pire, ça tombera à la poubelle. Mais moi, j'ai envie de le lancer. Et donc j'ai lancé ça. Et au début, bah, j'avais quelques copains, la famille, les copains des copains, ta ta ta ta ta ta. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir ma bannière recommandée sur Apple Podcast. Et je suis passée de 500 écoutes par jour environ à 8000 écoutes par jour. Comme ça, d'un coup. Parce qu'en fait, j'avais déjà une trentaine d'épisodes. Les gens, ils en ont commencé un. Et c'est des épisodes très courts. Moi, c'est un peu mon credo aussi, d'épisodes très courts qui se binge listen. Et donc, on les enchaîne, tac, tac, tac, tac, tac. Et donc, en fait, 30 par 30, ça va vite. Et du coup, alors, niveau, est-ce qu'on peut avoir les chiffres, par exemple, chiffres d'écoute? Bah alors, les chiffres d'écoute, là, ils sont, pour l'arnaque, ils sont en baisse. Avant, j'étais donc en moyenne... mon pic, il était à 8-10 000 par jour. Après, je suis descendue à 6 000. Et en fait, là, comme j'ai pas de nouvelle saison, donc c'est que des nouveaux qui viennent. Je suis à 2005 par jour aujourd'hui de l'arnaque. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à mes 8 000. En fait, dès que j'ai une nouvelle saison, là, ça repart. Il y a les fidèles qui reviennent réécouter. Mais à chaque fois, donc tous les jours, c'est 2 000 nouveaux. Mais voilà, c'est moins qu'avant. Parce que outre l'arnaque, hein, comme on l'a dit, il y a aussi plusieurs autres séries. Oui, donc tout à fait. J'ai lancé l'arnaque, qui sont des chroniques. Ensuite, j'ai voulu changer de format pour le coup, pour m'essayer à autre chose. Et donc, j'ai lancé Pic Parole, qui sont des portraits de parcours extraordinaires qui sont racontés à la première personne du singulier, avec tout un univers sonore en fond. Donc, c'est des MP3 qui ont environ 300 pistes de son. Il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de narration. C'est des vraies histoires. Là, je mets 20 heures. Et le résultat est impressionnant. Merci. Mais il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est 20 heures pour faire un épisode de 10 minutes. Donc, c'est beaucoup de taf. Mais ça, j'aime beaucoup. Donc, ça, par exemple, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 18 épisodes parce que pour le coup, les gens, enfin, c'est très niche. C'est-à-dire que tous ceux qui adorent l'arnaque, ils aiment moins Pic-Parole. Et tous ceux qui adorent Pic-Parole aiment moins l'arnaque. Donc, voilà, ça dépend. Après, est-ce une qualité ou est-ce un défaut? Moi, je pense que ça permet de viser plus large au niveau du public. C'est pour ça, en fait. C'est aussi pour toucher une autre cible. Et puis après, j'ai voulu toucher encore une autre cible et surtout m'essayer, moi, à autre chose, à un autre format. Je me suis lancée donc dans la fiction. Une vraie fiction de 8 épisodes de 15 minutes avec la première qui s'appelait Kubla, K-U-P-L-A. C'est un peu absurde, on peut dire ça comme ça. Et là, il y a des comédiens, un scénario, une vraie réale, etc. Là, pour le coup, j'ai mis 2 mois à la réaliser, à tout faire. Ça a plutôt bien fonctionné. J'en ai fait une deuxième ensuite qui s'appelait Rap'n'Roll. J'ai lancé une autre chaîne. Enfin voilà, au final, aujourd'hui, j'ai 9 chaînes. Vraiment ma spécialité, et ce pourquoi je pense les gens écoutent, c'est parce que c'est très court, c'est très personnel, on s'y identifie et j'essaye de rester assez authentique. Tout est écrit, y a rien à improviser, enfin de temps en temps, mais bon, c'est plutôt écrit. Et je pense que voilà, j'essaye de rester naturelle, de dire les choses. En fait, je dis tout ce qui passe dans ma tête et finalement ce qui doit se passer dans beaucoup de têtes des gens, mais qui le disent pas tout fort, quoi. Et alors du coup, avec tout ça, mais avec quoi vous carburez? Quelles sont vos sources d'inspiration? je n'ai aucune espèce d'idée. J'ai surtout l'impression que, comme pendant 35 ans, j'ai pas fait parler ma créativité, j'ai l'impression que ça y est, maintenant elle parle et qu'elle explose et que j'ai ouvert les vannes et que dès que je suis sur une page blanche, j'ai des milliards d'idées qui me viennent en tête. Donc, pour le coup, je ne saurais pas dire ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est surtout les gens, les histoires des gens, la rue. Moi, c'est ça qui m'inspire. Et parfois, je me persuade même que c'est des histoires vraies que je raconte, alors que c'est les histoires de mes potes. Enfin, voilà, c'est vraiment les histoires des gens, c'est les autres, quoi, qui m'inspirent. Et alors, la toile sur écoute, du coup, est-ce qu'on peut parler des prochains projets à venir? Oui, alors du coup, j'ai fait mes podcasts. Ensuite, les marques sont venues me voir pour que je fasse leurs podcasts. Donc aujourd'hui, je signe des marques. C'est comme ça que je gagne ma vie. Alors, les projets à venir, je sors un livre en 2021. A priori, c'est en mars 2021, avec une grosse maison d'édition. Ça va être chouette. Alors, je reprends un peu des épisodes de l'arnaque. Mais je réagence tout, je réécris sur c'est pas du tout la même chose d'écrire un livre que du texte de podcast, hein, donc vraiment tout est réécrit et c'est mon histoire, c'est mon histoire. Donc ma vie, mon œuvre, voilà, qui n'a rien d'extraordinaire, hein, mais je pense que c'est le ton qui fait que c'est ça doit être un peu rigolo. Et ça c'est un des projets. Et bon, franchement, pour l'instant, en fait, je fais un peu une pause, c'est-à-dire que je prends le temps de faire bien les choses. Le livre, c'est très long à mettre en place parce qu'il y a des petites illustrations, etc. J'écris moi des fictions que pourquoi pas présenter à des producteurs en télé cette fois-ci, pas en audio. Ah oui. Ouais. C'est pas nouveau challenge, effectivement. Nouveau challenge, c'est vraiment différent en plus d'écrire pour le cinéma que pour le podcast. Donc voilà, je contacte un peu des gens pour avoir un peu des tips. Je viens de terminer un nouveau podcast qui s'appelait La Carte Postale pendant les vacances. Oui, alors justement, j'allais y venir parce que il y a eu pendant le confinement, là vous avez sorti une nouvelle série, donc Journal d'une confinée. Ensuite, fin du confinement, Journal d'une déconfinée. Après, on avait fini avec tout ça, c'était l'été, tranquille, et ben là, paf ! La carte postale. Ouais, on vous arrête plus, en fait. Non, en fait, j'adore, parce que finalement, moi, ça me permet de raconter ce que j'ai dans ma tête. C'est aussi pour moi que je le fais. Mais et puis, ça faisait depuis le 2 juin que j'avais pas sorti podcast, mais ça me manquait un peu de parler dans un micro. Et puis, mais bon, c'était presque une erreur, parce que du coup, j'ai vraiment pas passé de vacances, parce que quand même, tous les jours, il fallait que j'écrive, que je sorte mon micro, mon enregistreur, etc., que je monte. Mais j'ai pris plaisir à le faire, c'était 34 capsules, ça m'a fait du bien de le faire pendant les vacances, c'était léger, je me suis pas pris la tête, et ça a plutôt correctement fonctionné, les fidèles l'ont écouté, et voilà, et c'est, moi j'aime bien ces petits formats courts, mais d'ailleurs, même en termes d'épisodes, qu'il n'y en ait pas beaucoup, comme ça, voilà, hop, on change. Et du coup, pas de série à venir sur la rentrée. De fiction, bah j'en ai une en stock. Là, il faut que je la repaufine un peu parce que la fin est pas géniale. Mais il faut que je m'y mette. Mais j'aimerais bien en sortir une quand même avant la fin 2020. Et ben voilà, il y aura plus qu'à guetter. Hein. Donc c'est latoilesurecoute.com. Hein. On donne l'adresse hein, au cas où, hein, si les auditeurs ont envie d'y jeter un œil et une oreille. L'œil, hein, c'est pour l'écran de l'ordinateur, hein, c'est normal. Donc la toile sur écoute, vous l'avez dit, c'est aussi des formations que vous proposez aux entreprises pour créer un podcast. Oui. Il y a des conseils en storytelling aussi. Oui. En fait, je propose beaucoup de choses. Je leur propose de faire leur propre podcast, de les aider à faire du sponsoring sur mes podcasts ou sur d'autres podcasts, de créer leur propre podcast tout seul. Donc, je peux les former à ça. Et également, puisque je suis un studio de narration audio, donner des conseils en storytelling, parce que c'est vrai que les marques, ont souvent du mal à se raconter. Elles se racontent un peu de façon brute, alors qu'il y a tout un univers hyper créatif qu'on peut mettre en place. Et voilà, je donne des conseils là-dessus. Donc le podcast, selon vous, alors c'est un sujet qu'on a abordé plus amplement dans la précédente mécanique, mais le podcast, ça peut être un bon outil de communication pour les entreprises, pour les marques. Ah bah oui, oui, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut pas faire un podcast pour faire un podcast. Toutes les marques ne doivent pas faire un podcast. Je pense qu'il faut faire un podcast. Quand je dis podcast, moi je parle B2C, hein, je parle pas de podcast en interne, parce que le podcast en interne pour faire sa communication en interne, c'est super, par exemple. Alors B2C, juste pour pardon, préciser. C'est destiné au grand public. D'accord. Donc les podcasts destinés au grand public que tout le monde peut écouter, je pense que toutes les marques n'ont pas à faire ça, contrairement aux podcasts qui sont faits en interne. Mais ouais, c'est un outil hyper intéressant, hyper riche, un support éditorial hyper créatif, et on peut surtout donner un ton, donner une voix qu'on ne peut pas faire en digital ou en print, et se rapprocher de sa communauté en racontant des histoires qu'on n'aurait pas l'occasion de faire sur d'autres supports. Donc moi, j'encourage vraiment les marques, surtout les marques grand public, à s'adresser à leurs clients à travers ce média de la voix, qui crée vraiment une sorte d'intimité et qui c'est assez chaleureux. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec l'outil de la voix. Alors, si une entreprise vous sollicite, du coup, comment ça se passe? Est-ce que Donc vous apportez déjà votre expertise, votre ce que vous savez déjà faire, mais est-ce qu'il y a une adaptation par rapport à la marque, à la société, son fonctionnement? Ah bah oui, c'est vraiment du sur-mesure, c'est personnalisé, c'est-à-dire que la marque vient me voir, bonjour Pénélope, j'aimerais faire un podcast. OK, déjà pour quelle raison vous voulez faire un podcast? En fait, moi j'en ai marre de travailler sans me faire plaisir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais je considère que la marque veut faire un podcast et que je trouve que c'est pas une bonne idée, que ça n'apporte rien, qu'elle va pas faire beaucoup d'audience, je préfère lui dire franchement, laissez tomber, faites pas de podcast, faites autre chose. Donc je suis assez transparente là-dessus. Donc j'essaie vraiment d'aller chercher et creuser la raison pour laquelle ils veulent faire un podcast ou ils croient vouloir faire un podcast. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord, c'est une bonne idée de faire un podcast, on réfléchit à ce qu'ils veulent raconter, leurs objectifs, leur univers. Et moi, je viens mettre ma patte là-dessus. Avec mon univers à moi qui est assez franc du collier, authentique et très créatif, un peu out of the box, qui sort des sentiers battus et pas quelque chose de traditionnel, surtout pas vraiment. L'idée, c'est vraiment de les aider à prendre la parole de façon différente. L'audio de Pénélope Boeuf, donc, paradoxalement, pour les entreprises, c'est une nouvelle image de marque. On va poursuivre avec une deuxième pause musicale maintenant, toujours choisie par Pénélope Boeuf. C'est du Nino Ferrer cette fois-ci, les Cornichons. Un peu de cornichon, ça fait pas de mal, hein. Bon appétit bien sûr, Nino Ferrer sur Fréquence Protestante, deuxième morceau musical choisi par Pénélope Boeuf, notre invitée. Je suis pas très contente, c'était pas vraiment la version originale. Hein. Ah, oui, c'est ce qu'on m'a dit hors antenne, et bah écoutez, ouais. J'irai frapper l'assistant qui a travaillé sur cette émission, c'est-à-dire moi-même. Voilà, on fera pas ça en direct, non, ce sera pas beau à voir ni à entendre. Pénélope Boeuf, donc, toujours dans la mécanique des ondes, qui n'est pas si ringarde qu'elle le prétend sur sa playlist Spotify. Fallait être là tout à l'heure pour comprendre. En tout cas, elle raconte beaucoup de choses et sa créativité est loin d'être ringarde. Ah, bah, ça, oui. La toile sur écoute, donc, c'est son studio de narration, j'allais dire sa plateforme. Je sais pas si on peut dire ça. Non, c'est une plateforme de visibilité sur laquelle j'ai tous mes podcasts. On peut dire ça comme ça. Des podcasts, au service également des entreprises. On en a parlé juste avant. Et on parlait de chiffres tout à l'heure. Oui. Pour vous, un podcast qui marche, est-ce que c'est... Non, je la refais. C'est le direct. Un podcast qui marche, pour vous, c'est un podcast qui fait combien d'écoutes? Je n'ai aucune idée. J'ai pas la réponse. Cette réponse, je pense que c'est très personnel, entre guillemets, c'est-à-dire que ça intéresse... En fait, quel podcasteur... Tous les podcasteurs voudraient que leur podcast fonctionne. Mais qu'est-ce qu'un podcast qui fonctionne? C'est finalement, je pense, un podcast qui pourrait intéresser une marque à sponsoriser. C'est à partir de là qu'on considère qu'un podcast fonctionne. C'est-à-dire que si une marque vient voir vos podcasts, vous lui dites... Je dis n'importe quoi, j'ai 10 000 écoutes par jour, et qu'elle vous dit non, ça m'intéresse pas, vous allez vous dire zut, en fait, mon podcast marche pas. Mais ça n'a rien à voir, c'est, eux, ils veulent taper une, forcément qu'ils vont aller taper sur des podcasts qui ont énormément d'écoutes. Mais déjà, si votre podcast fait 2 000 écoutes par jour, quand on y pense, 2 000 personnes inconnues au bataillon qui vous écoutent par jour, c'est pas rien. Donc c'est à prendre en compte. Après, moi, je n'ai aucune espèce d'idée de ce qu'est un podcast qui fonctionne. Je pense que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire fonctionne? C'est quoi la définition de fonctionne? Ça dépend des uns des autres, je pense. Ben oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'il y a des podcasts qui sont géniaux et qui pourraient être connus beaucoup plus. Enfin, voilà, j'ai pas la réponse parce que je comprends pas la question. Y compris pour ce qui est de se faire connaître dans le milieu du podcast, parce que c'est, voilà, on le voit, c'est en plein boom, ça se développe. Il y a de plus en plus de podcasts natifs qui émergent sur la toile. Ouais, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Et là, difficulté principale, c'est de se faire connaître. Et c'est d'ailleurs le sujet sur lequel les marques reviennent beaucoup. À chaque fois, ils me disent, mais comment est-ce qu'on fait pour faire connaître nos podcasts? Il y en a tellement. Il y en a des milliers qui se lancent tous les jours. Donc, comment on fait pour émerger au milieu de cette masse? Eh bien, si j'avais la réponse, je serais le podcast numéro un. Donc, je n'ai pas la réponse. La seule chose que moi, je peux donner comme conseil, c'est de porter très haut sur sa tête son podcast tous les jours. C'est-à-dire que Il faut en parler. Et il faut en parler au quidam. Le quidam, c'est celui qui est inconnu au bataillon que vous croisez 3 secondes dans une soirée, mais c'est aussi vos amis, vos frères, vos sœurs, vos familles, etc. Parce que on pense pas, mais il y a énormément de bouche à oreille. Il y a beaucoup de choses qui se font par le bouche à oreille et on sous-estime le bouche à oreille, alors que c'est très important. Et en fait, à force d'en discuter, de rencontrer des gens, d'en parler, telle personne qui n'avait rien à voir avec le podcast va connaître quelqu'un qui va dire « Ah mais attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi » et hop, hop, hop, hop, hop. Donc en fait, c'est une sorte de toile d'araignée qu'il faut tisser tous les jours et il faut vraiment... et ça, c'est pas très rigolo à faire, hein, c'est pas très agréable, mais il faut demander aux gens de vous mettre des étoiles sur Apple Podcast, de mettre des commentaires. Ça n'a l'air de rien, mais pour un podcasteur, c'est génial d'avoir déjà des retours, hein, parce qu'il y a très peu de gens qui font finalement des retours, des gens qu'on ne connaît pas qui vous font des retours. Et ensuite, avoir des étoiles et avoir des commentaires, ça permet de remonter dans les classements. Et quand on est dans le top des classements, les gens disent, tiens, c'est quoi ces top classements? Je vais aller écouter ces épisodes de top classements, etc. Et ça fait boule de neige. Donc, et pour ça, il faut que le podcast soit écouté, soit commenté, soit liké et qu'il y ait beaucoup d'abonnements. Se battre donc pour la visibilité. Exactement. Et résultat de la visibilité, ça a bien marché pour vous. Retour en janvier dernier, nous étions au Salon de la Radio, au Grand Prix des Jeunes Talents. Catégorie podcast et Pénélope Boeuf. Pénélope, une petite ça va devenir une réaction. Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir aimé ma niche. Je suis ravie, je suis contente d'avoir un premier trophée que je vais pouvoir mettre chez moi. J'espère qu'il y en aura d'autres et merci à vous tous. Super. Et continuez les filles, je vous ai parlé. Enfin bon, voilà. Vous l'avez vécu comment ce moment? Ouais, c'était génial, c'était chouette, ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance professionnelle. Donc j'étais très très fière, très heureuse d'avoir gagné ce trophée d'ailleurs qui trône au-dessus de mon four micro-ondes. C'est moins glamour là tout de suite dit comme ça. C'est pas non plus un trophée en marbre, hein, mais non, c'est chouette et j'espère que c'est le début d'une longue série. qui sait, on verra bien. En tout cas, juste avant de passer aux questions, petit truc insolite qui m'a beaucoup plu, puisqu'on parle de l'avenir de la radio, le podcast, c'est un peu l'avenir. Vous, vous avez sorti votre podcast sur cassette audio et redonné vie au Walkman. Exactement, aussi. Parce qu'à l'occasion des 40 ans du Walkman Sony, j'ai eu l'idée avec mon partenaire, enfin un partenaire que j'ai rencontré qui est le leader des cassettes audio, parce que ça existe encore, et je lui ai proposé qu'on lance un Walkman ensemble, donc c'est un Walkman brandé La Toile sur écoute, et j'y ai mis ma fiction audio Cupla et quelques épisodes, le best-of de l'arnaque, sur cassette pour mettre en miroir en fait ce nouveau média qu'est le podcast avec ce un des plus vieux supports qu'est le Walkman, et je trouvais ça assez rigolo, donc il est en vente sur mon site internet latoilesurecoute.com, je crois qu'il a 69€, et en fait c'est génial parce que c'est une vraie déconnexion le Walkman, j'avais oublié ce que c'était, mais en fait on met une cassette, et là pendant 30 minutes, sur la face A, on écoute tout du même artiste. Alors que maintenant, on a l'habitude de zapper, on n'aime pas être au bout de 10 secondes de musique qu'on passe. Alors que là, en fait, on se fond dans le truc. Donc moi, j'ai récupéré toutes mes cassettes de mon grenier. Donc j'ai réécouté mes Hélène et les garçons, mes Pink Floyd, enfin bon, il y a un peu de tout. Et voilà, donc j'ai lancé ça, je trouvais ça rigolo, c'était pour me diversifier un petit peu. Non mais j'adore vraiment l'idée. On retourne direct dans les années 90. Hein. Alors je vois qu'Arnaud en profite pour glisser quelques mots à Pénélope pendant que moi je me concentre sur mes fiches. On me cache des trucs. En tout cas, on va passer à notre partie questionnaire maintenant, Pénélope Boeuf, avec pour commencer la question capsule qui n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque là ça vient vraiment du monde d'avant le coronavirus. Une question qui vous a été laissée par Guillaume Derachinois, le président de Moustique Audio Agency. On écoute sa question. Alors Pénélope, bonjour, on s'est croisé au salon de la radio, quelques secondes, pas beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. J'avais une question, puisque tu es passé sur les ondes hertziennes sur WeFM et maintenant tu t'es complètement épanoui et révélé en podcast. Ma question est simple, est-ce que tu crois que Audio Kills the Radio Star, Pénélope? C'est une très bonne question, je trouve. Ça veut dire quoi, ce audio kills du radio star? Est-ce que, en gros, le podcast peut supplanter la radio, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent se compléter tous les deux? Ah oui, non, mais jamais ça remplacera la radio. Le podcast remplacera jamais la radio parce que, par définition, le podcast, c'est un MP3 enregistré, alors que la radio, à la base, c'est quand même du direct. Et on a besoin de direct. C'est comme tu le disais en tout début d'émission, c'est la spontanéité, c'est l'improvisation, et c'est riche, en fait. C'est ça qu'on est dans la radio. Finalement, moi, je trouve que l'intérêt du podcast, c'est surtout pas de faire une émission de radio en podcast. On tue tout le truc du podcast. Le podcast, c'est pour moi un support éditorial créatif où on permet de créer des choses. Alors que la radio, c'est du live, on y va, on balance de l'info, des histoires. Enfin, voilà, pour moi, c'est complémentaire et ça ne remplacera, à mon avis, j'en sais rien, jamais la radio. Alors, du coup, est-ce qu'on peut imaginer une Pénélope Boeuf en streaming live à essayer d'improviser ou à jouer, pourquoi pas, en direct? Là? Maintenant? Faut que je joue? Ah non, non, dans un futur projet pour la toile sur écoute. Un streaming live, c'est-à-dire que moi je vois la radio ou que je lance ma radio? Non, j'ai pas compris. Non, est-ce qu'on peut parler d'un podcast en direct, entre guillemets? J'ai pas vraiment le bon terme un exact. Un podcast en direct, ça veut dire une web radio? Ou alors à la radio, en fait un podcast en direct, c'est pas trop possible. Une improvisation. Un podcast improvisé, oui. Après, j'ai beau improviser en podcast, je peux toujours monter, couper au montage, donc c'est pas vraiment ce que j'appelle du direct. Non, le seul moyen de m'entendre en direct, c'est d'être sur une émission de radio ou d'avoir ma web radio, la web radio latoilesurecoute.com. J'avais pensé à la lancer, mais c'est quand même beaucoup de travail et j'ai d'autres projets, mais c'est en effet, moi j'adorerais refaire de la radio et faire du live. Bon, on a pu vous permettre d'en refaire un petit peu déjà aujourd'hui. C'est déjà ça. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide, Pénélope. Oui. On peut y aller? Vous êtes prête? Je suis prête. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Paniquez pas, ça va bien se passer. Oh là là. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Bon, j'ai envie de pas dire. Pas forcément de radio, si jamais. Si, de radio. Personnalité de radio. J'ai pas là. Mon modèle, franchement, j'aime pas ce mot. Mon modèle, non, j'ai pas de modèle. J'ai envie de dire Pascal Clark. Qui a une très bonne voix. Voilà, c'est pour sa voix, essentiellement. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Fun Radio. Quelle radio ou podcast vous réveille le matin ? Rien. Personne ne me réveille le matin en radio. Aucune radio ne me réveille le matin. Le soir non plus ? Le soir non plus. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ou un podcast ? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Dans mon lit. Votre meilleur souvenir ? De radio ou de podcast professionnel. Mon meilleur souvenir, ça a été de gagner ce concours au IFM. C'était extraordinaire de gagner parmi 2000, même s'il y a eu de la triche. Peu importe, on n'a pas raconté l'histoire, mais c'était quand même génial de gagner. Le pire souvenir, C'était de me lever tous les matins à 4h du matin, même en plein hiver. Et enfin, pour terminer, et là, je pense que là, il y a des choses à dire, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le podcast ? Ne pas hésiter. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Il suffit d'avoir un ordinateur, d'avoir Internet. Et après, si on peut dépenser quelques centaines d'euros pour dépenser un enregistreur et un micro, c'est chouette. Mais sinon, on peut toujours se débrouiller. Mais en fait, c'est hyper simple. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur de se lancer dans le podcast parce qu'ils ont peur qu'on ne les écoute pas. Mais si jamais on vous écoute pas, personne ne saurait que ce que vous avez fait est nul. Donc c'est ça qui est génial. Surtout, n'ayez pas peur d'être mauvais parce que personne ne le saura. Et il ne peut y avoir que de la bonne surprise en fait. On ne peut qu'aimer ce que vous faites. Et puis à partir du moment, surtout, si vous faites les choses, alors ça fait un peu cucu comme ça, mais avec le cœur, de façon authentique et hyper sincère, donc en fait que vous êtes vous-même, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas parce que les gens... Et de plus en plus d'ailleurs, aime que de voir l'autre être qui il est vraiment. Donc allez-y, lâchez-vous, faites ce qui vous anime et la vie est courte, faut pas perdre de temps. Et ce sera les mots de la fin. Pénélope Boeuf, merci à vous d'être venu dans la mécanique des ondes, c'était un plaisir. LaToileSurEcoute.com donc pour retrouver tout votre univers, plein de projets à venir et bientôt Pénélope sur papier, en livre, oui. Pénélope à l'écran et Pénélope aussi sur scène, on l'a pas dit. Peut-être. À suivre donc. Merci à vous en tout cas. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain sur Fréquence Protestante pour une nouvelle mécanique des ondes autour du podcast. Qui sait, peut-être. On verra bien.